الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوة الإسلام فرجوعا إلى ما بدأناه في الزيارة الماضية إلى المورد العذب الزلال للشيخ النجمي حفظه الله تعالى فإن الله عز وجل نغفنه à l'étude de ce livre de Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala que nous avons commencé lors de la dernière visite. Le livre s'intitule « La source délicieuse » dont la critique de certaines croyances et de certaines voies dans le da'wah ilallah. « فَمَرَّ مَعَنَا الْبَابُ الْأَوَّلْ فِي الْحِكْمَةِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ النَّاسَ مِنْ أَجْلِهَا وَالْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أوجد الله الخلق من أجلها والباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله عليهم الصلاة والسلام والباب الرابع في ضمان النجاة كيف تضمن لنفسك النجاة والباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه والباب السابع وهو الأخير الذي وقفنا عنده في بيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة donc nous avons déjà étudié certains passages de ce livre nous sommes arrivés au septième chapitre le premier chapitre c'était le but pour lequel Allah سبحانه وتعالى a créé les gens le deuxième chapitre c'était l'éclaircissement et la clarification sur l'adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait exister les génies et les humains. Le troisième chapitre, c'était le titre, c'était les messagers, ce sont eux qui guident vers Allah azza wa jal. Ce sont eux les guides vers Allah azza wa jal. Le quatrième chapitre, c'est comment être sauvé. Quelle voie il faut prendre pour être sauvé. Le cinquième chapitre, c'est dans en quelque sorte, le cheikh nous a montré la voie du messager alayhi salatu wassalam dans la da'wah ilallah. Et le sixième chapitre, c'était, il nous montrait que le fait d'être, de dévier de la voie du messager alayhi salatu wassalam, c'est dévier de la voie droite que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre. Le septième chapitre, et c'est le dernier que nous avons étudié lors de la première visite, c'est où Cheikh nous montre que la hizbiya, le sectarisme, ne fait pas partie de la voie des prophètes alayhi salatu wassalam, mais c'est une innovation. والآن إخوة الإسلام مع الباب الثامن وعنون له الشيخ حفظه الله تعالى في جعله في بيان مساوئ الحزبية. Et maintenant avec le huitième chapitre, et Cheikh a fait ce chapitre pour nous montrer le mal et les inconvénients de la hizbiya. يقول حفظه الله تعالى ومتع به وأدام حياته في طاعة الله عز وجل لقد استعرضنا بعض الآيات والأحاديث التي نهى الله فيها ورسوله عن الاختلاف والتفرق والتحزب وذم أهل هذه الصفات كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يلدي حفظه الله تعالى nous avons cité certains versets et certains hadiths qui ordonnent le fait de ne pas se diviser, et le fait de ne pas se morceler, et le fait de ne pas se constituer en partie et en groupe. Et il dit, nous avons cité des versets et des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam qui blâment le fait de se diviser et le fait de se constituer en groupe et en partie. Il nous cite un des versets qui est dans sourate Al-An'am qui dit ceci: ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. Et il nous cite aussi ce verset qui dit: et ne soyez pas comme les associateurs, ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en groupe et en partie. Et aussi ce verset qui dit: ça, c'est ma voie droite, suivez-la, et ne suivez pas les chemins, et ces chemins vont vous diviser de la voie d'Allah Azza wa Jal. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Et comme cette parole du prophète عليه السلام, ce qui a fait périr les gens avant vous, c'est-à-dire les gens du livre, et qu'ils posaient trop de questions et qu'ils étaient en divergence avec leur prophète عليه السلام. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et aussi la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit: celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. C'est quoi ces divergences? Les groupes, les idéologies de groupe. Ah, Omar. Comment en sortir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: comprenez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires et faites attention à toute nouveauté, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est vouée au feu de l'enfer. فَهَلْ تَرَى أَنَّ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالتَّحَزُّبِ وَالتَّشَيُّعِ وذم أهل هذه الصفات والتحذير من طريقتهم كان عبثا أو أنزله الله عز وجل وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ضربا من ضروب التسلي أو ليكون حديثا عابرا من أحاديث السمر؟ كلا ثم كلا، إن القرآن كله عظات وعبر وأوامر ونواهي وأخبار عن العصاة وعواقب العصيان السيئة في الدنيا والآخرة بالإخبار عما يصيبهم في الدنيا من قوارع واستئصال وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب أليم وأنواع انتقام ونكال. Il dit حفظه الله تعالى pour attirer notre attention. Tu vois, est-ce que ces interdits qu'il y a dans la parole d'Allah Azza wa Jal, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans les versets à ordonner de ne pas se diviser, de ne pas se constituer en groupe, et le fait d'avoir blâmé la division et les partis, et le fait d'avoir blâmé les voix de ces partis, etc. Est-ce que ceci a été fait comme ça pour le plaisir de donner l'interdit? Et est-ce que le fait que le prophète alayhi salam a interdit et a blâmé les partis et la division, est-ce que c'est là pour jouer ou là pour passer le temps? Ou là que ce soit une discussion d'y aller les veillées de soir autour d'une cheminée ou là sur une terrasse? Non, et mille fois non, ce n'est pas pour ça. Car le Coran des Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ce sont des leçons, c'est des exhortes, c'est des leçons à prendre en considération, ce sont des ordres et des interdictions à mettre en application. Et ce sont des annonces que Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce, ce qui arrive dans ce bas monde à ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il leur arrivera dans le delà? Est-ce qu'il les attend dans le delà? Et il nous montre ce qui leur arrive dans ce bas monde, comme châtiment, comme perte dans ce bas monde. Et il nous montre aussi ce qui les attend comme châtiment dans le delà, s'ils ne reviennent pas vers Allah Azza wa Jal. وكذلك القرآن كما يقول الشيخ هنا وإخبار عن المؤمنين أهل التصديق والأعمال الصالحة وما يحوزونه ويحرزونه بإيمانهم وأعمالهم ومتابعتهم للرسل من عز ونصر وفتوح وغلبة وإدالة لهم على غيرهم وما سيلقونه في الآخرة من أمن واطمئنان وفرح واستبشار وعيشة راضية في جنان عالية قطوفها دانية ونعمها متوالية يبقون فيها بقاء الأبد ويخلدون فيها بلا انقطاع ولا زوال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما هي إلا ريحانة تهتز ونهر مضطرب وثمرة ناضحة وقصر مشيد وأزواج حسان لأنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Et aussi dans l'autre côté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti, nous a montré ce qui arrivera à ceux qui ont désobéi à Allah et au messager alayhi salatu wassalam et qui a blâmé leur voie, c'est pour ne pas tomber dans cette route et dans leur chemin. Et en même temps, il nous annonce ce qu'il a réservé aux croyants et la situation et les bonnes situations des croyants dans ce bas monde et dans le delà. Ce qu'ils ont comme gloire, comme honneur dans ce bas monde et comme élévation dans ce bas monde parce qu'ils ont suivi les prophètes alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, quel triomphe ils ont eu. Ils ont eu le dessus sur les autres. Pourquoi? Pour leur suivi. Le fait d'avoir suivi les ordres d'Allah Azza wa Jal, d'avoir fait triompher la religion d'Allah Azza wa Jal, d'avoir suivi les messagers d'Allah Azza wa Jal. Alaykoum salam. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce qu'il les attend dans le delà, comme quiétude, et comme réjouissance, et comme bonne vie, dans des jardins dont les fruits ne s'arrêtent pas, dont l'ombre ne s'arrête pas, dans lequel ils vont retrouver des choses jamais un œil n'a vues, aucun oreille n'a pu entendre des choses qu'ils vont retrouver là-bas. Et aucun cœur n'a pu soupçonner ou avoir une idée de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve dans le delà. Et l'abondance complète dans le pourquoi, pourquoi tout ceci, pourquoi cette bonne vie Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve et pourquoi cette abondance dans tout qu'ils vont avoir dans le paradis. Parce que tout simplement, ils ont cru en Allah Azza wa Jal, et ils ont cru en ses messagers alayhi salatu wassalam, et ils les ont suivis. Ils n'ont pas sorti de là du chemin des prophètes alayhi salatu wassalam. وقد تبين مما ذكر أن نهي الله عز وجل عن الحزبية والتحزب والفرقة والتفرق لم يكن إلا ليعلم الله عباده بما فيها من الشر المؤكد والفشل المرتقب والعداوة المنتظرة بين من أمرهم الله عز وجل أن يكونوا أمة واحدة وحزبا واحدا يعبدون ربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا ويتجهون إلى قبلة واحدة ويدينون بدين واحد وتربطهم رابطة واحدة هي رابطة الدين ومما يؤكد هذا المعنى ويدل على أن التفرق ما زال ممقوتا ومحظورا في كل زمان ومكان وعلى لسان كل نبي وحكيم إخبار الله عز وجل عن هارون عليه الصلاة والسلام أنه قال لأخيه موسى حين عاتبه عند رجوعه من الطور فوجد قومه قد عبدوا العجل فقال كما حكى الله عنه في سورة طه قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فقد حذر هارون من التفرقة وخاف على قومه وخاف أن أخاه يلومه عليها أي على التفرقة. Et parmi tous les textes que Cheikh nous a cités auparavant, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal et le hadith du prophète alayhi salam, dans laquelle il y a l'interdiction de se constituer en groupe et en secte, dans laquelle il y a l'interdiction de se sectariser, et de se constituer en groupe et de se diviser, tous ces textes-là sont là pour nous apprendre, et apprendre aux serviteurs d'Allah, Azza wa Jal, le mal, et pour montrer aux gens le mal qu'il y a dans le sectarisme, et la faiblesse qu'on ramène le fait de se constituer en partie et de diviser la communauté. Et pour nous montrer aussi la haine qui s'instaure à l'intérieur de la communauté avec le fait de se constituer parce que chacun va défendre les principes de son groupe. Donc il y a une certaine haine qui s'installe dans la communauté. ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné, de ne pas se constituer en groupe, quand ils se constituent en groupe, ben la haine s'installe dans cette communauté. Ça divise cette communauté, ça faiblit cette communauté. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné d'adorer un seul, de l'adorer uniquement, de suivre son messager alayhi salatu salam, et il est unique. Et leur direction de la prière, il est unique. Ils ont la même religion. Et ils ont cette liaison, qui est cette religion. Et avec la division, ben, ils se morcellent, ils se vibrisent pour, au lieu d'avoir la force. Hein, parce que justement, ils sont tombés dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Et cela nous montre que la division, elle est blâmée. Il ne sera jamais loué. Et jamais, les groupes ne vont avoir, hein, l'éloge. Ni d'Allah, ni de son messager alayhi salatu salam, ni de nos cuisiniers d'Allah alayhi, ni de ceux qui les suivent à la perfection. C'est impossible. Et que le fait de se constituer en groupe, il est détestable jusqu'à la fin des temps. Il est détestable jusqu'à la fin des temps. En tout lieu, et en tout temps. Et par la bouche de chaque prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Chaque prophète qui est arrivé, il a interdit à son peuple de se constituer en partie et de se sectariser. Hein? Là, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat nous parle de Harun alayhi salatu salam. Quand il a dit à son frère Moussa alayhi salatu salam, quand il l'a blâmé, quand Moussa alayhi salatu salam est revenu de la montagne Tour, hein, et il a trouvé que le peuple de Banu Israël ont adoré le veau. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite leur histoire dans le Coran pour ne pas y tomber. La citation nous dit ceci. Il a dit à Harun, qu'est-ce qui t'a empêché quand ils se sont égarés que tu ne me suives pas? Est-ce que tu as désobéi à mon ordre? Harun lui répond, fils de ma mère, c'est-à-dire mon frère, ne me tire pas par ma barbe. Moi aussi. Ça peut attirer notre attention sur ceux qui disent que la barbe n'est pas obligatoire. La barbe, c'est une sunna du prophète alayhi salatu salam. Harun, il dit à son frère Moussa, ne me tire pas par ma barbe. Ne me tire pas par ma tête. J'ai tout simplement eu peur. Il justifie pourquoi il n'est pas resté sur la voie de Moussa alayhi salatu salam et qu'il s'est mis avec Banu Israël. Il dit, j'ai eu peur que tu dises que j'ai divisé le peuple de Banu Israël. Hein? Donc ce qu'il demandait, c'est ne pas être divisé. Hein? La division, elle est blâmée dans toutes les religions. Harun, alayhi salatu salam, il a eu peur de la division. Et il a eu peur de la division pour lui et pour son peuple. Et il a eu peur que son frère le blâme pour la division. Donc partant de là, on voit que la division, elle est blâmée dans toutes les religions. Toutes les religions, et dans tous les peuples dans lesquels est arrivé un messager, alayhi salatu salam, il leur a interdit le fait de se sectariser. Hein? C'est la voix de tous les messagers, alayhi salatu salam. Wa ra'awa Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Wa la budda an na'iya jayidan hadha al-athar. Atharun azim. Wa la'allana na'ishu thimara hadha al-athar. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا يعدل له أعداد قال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتصارعوا في القرآن يومهم هذه المصارعة. طبعا هذه المصارعة كانت على ماذا؟ على حفظ كتاب الله. وهذه المصارعة تدل على قلة التدبر والفهم. فابن عباس ما أعجبه هذا. وعمر زجر ابن عباس. ولكن سترى موقف عمر من ابن عباس بعدها. قال فزجرني عمر رضي الله عنه قال كف مه أي كف فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فبين أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى يتصارعون هذه المصارعة؟ يحتق، أي كل يقول أن الحق معه يحتق، ومتى يحتق يختصم، ومتى يختصم يختلف، ومتى يختلف يقتتل. قال: لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. قال: لله أبوك إن كنت أكتمها للناس حتى جئت بها. يحتق، كل يريد أن الحق معه. فانظر الآن من حولك، ها؟ مصارعة في حفظ كتاب الله، هذا خير، لا نقول أنه هنا هذا خير، ولكن بدون تدبر وبدون فهم وبدون كل يرى الحق عنده، فهذا ماذا يصير عليه؟ أنت الساحة أمامك ولا تحتاج إلى رسم، ها؟ فاللبيب من يوعظ بما حوله. Voici un attar ici. Et nous devons nous arrêter devant cet attar pour voir. Parce que ce qui nous a été transmis de nos puiseurs, d'Allah Alim, qui sont les compagnons du prophète, ils avaient une clairvoyance. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis parce que ce sont des exceptions dans l'humanité pour transmettre la religion du prophète. Et pour la ramener et donner l'interprétation qu'il faut. Il a mis en pratique comme il se doit. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire que la compréhension soit leur compréhension. La mise en application est la leur. Écoute ce que nous rapporte Abdullah ibn Ahmed ibn Halban, rahimahullah jami'an, d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Il a dit un jour, à l'époque de quand Omar ibn Khattab était émir, un homme est arrivé d'une autre région. Et Omar ibn Khattab a commencé à lui poser des questions. Parce que Omar ibn Khattab, il avait le souci de la communauté. Il voulait savoir comment ça se passe dans les autres provinces qui sont sous sa tutelle. Hein? Et l'homme a commencé à lui dire des choses. Il dit: ô prince des croyants, les gens ont appris le Coran. Beaucoup de gens ont appris. Lui cite des nombres et des nombres de gens qui ont appris le Coran. Ibn Abbas a dit, il était dans l'assemblée, il dit: par Allah, je n'aime pas qu'ils accourent et qu'ils se font la concurrence dans le Coran comme ça, qu'ils agissent ainsi. Pourtant, cette concurrence qu'ils se sont faite, ils l'ont faite pour mémoriser le Coran. Mais Abdullah ibn Abbas avait cette clairvoyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Il y avait cette compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait dua pour qu'il comprenne le livre d'Allah et qu'il comprenne les choses de la religion et qu'il lui donne la science de la religion. Cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il n'a pas aimé. Parce que le fait d'accourir et d'être pressé à l'apprentissage du Coran, ça veut dire que ça a été fait sans méditation et sans compréhension. Et Omar ibn Khattab a blâmé quand il a entendu Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dire: je n'aime pas qu'ils accourent ainsi, qu'ils se précipitent ainsi à l'apprentissage, à la mémorisation du Coran. Il l'a blâmé, il lui dit: tais-toi, va. Mais tu vas voir après comment Omar ibn Khattab va agir avec Abdullah ibn Abbas quand il va réfléchir à ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas suivit l'ordre de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Il est rentré chez lui. Et sur le retour, il était triste, attristé par le fait d'être remis à sa place par Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Alors qu'il attendait, qu'il venait de rentrer chez lui, il attendait, Omar ibn Khattab lui a envoyé quelqu'un pour le chercher. La personne venait, il a toqué à la maison, dit: Abdullah ibn Abbas répond à l'appel de l'émir des croyants. Il est revenu. Il a trouvé Omar ibn Khattab en train de l'attendre devant la porte de la maison. Pas à l'intérieur, devant la porte. Il l'a pris par la main. Il lui a dit: qu'est-ce que tu as détesté dans ce que tu as entendu de la bouche de l'homme? Il lui a dit: le fait qu'ils s'accourent, qu'ils se précipitent à l'apprentissage, s'ils ont fait ainsi, c'est que chacun va se dire qu'il a raison, que la vérité est avec lui. Et quand chacun va dire que la vérité est avec lui, ils vont se disputer. Et quand ils vont se disputer, ils vont prendre les armes les uns contre les autres. Et Abdallah, Omar ibn Khattab lui dit, par Allah, je l'ai caché pour les gens et tu l'as sorti. Omar ibn Khattab savait la même chose, était sur le même point, mais il dit, par Allah, je l'ai caché pour les gens, mais tu l'as sorti. Ça, c'est la compréhension qu'avait nous puiser Abdallah Ali. C'est pour ça, quand ils apprenaient le Coran, et parmi eux, pas si c'est Abdallah ibn Omar ou là son père qui a mis 8 ans pour mémoriser la vache, surat la vache. Non, il est de nos frères qui la descend. On a moi. Il la mémorise, on a moi. Hein? Et donc les compagnons, c'est pas parce qu'ils ont pas de la mémoire, ils avaient de la mémoire plus que les autres, mais tout simplement, ils ne dépassaient pas 10 versets comme il a été, dit par les tabi'in, les successeurs des compagnons, dit, ceux qui nous apprenaient le Coran, disaient qu'ils ne dépassaient pas 10 versets. Et avant d'avoir compris ces versets et mis en application la science qu'il y a dans ces versets. Des versets, ils apprenaient, ils les comprenaient, ils mettaient en application ce qu'il y avait à mettre en application. Adil passe au reste. Ils disent, ainsi nous avons appris la science, la foi et les actes. Hein? D'accord, Omar Abdallah ibn Abbas, quand il a entendu ça, il dit non, je n'aime pas qu'ils accourent comme ça, qu'ils se précipitent comme ça dans la mémorisation du Coran, parce que s'ils agissent ainsi, chacun va dire moi j'ai raison, la raison est avec moi. Et quand ils vont agir ainsi, ben ils vont se disputer. Et quand ils vont se disputer, ils vont se diviser. Et quand ils vont se diviser, ils vont se prendre les armes contre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait le Khawarij? Ils ont de leur description. Qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah alayhi wa sallam? Vous allez négliger la lecture du Coran devant leur lecture. Pourtant, ce sont les compagnons à qui il s'adressait Rasulullah alayhi wa sallam. Hein? Et regardez maintenant ce qui se passe autour de nous. Et que t'as quelqu'un qui a le Coran, etc. Il connaît rien de la Sunna, regarde comment il agit. Ah là, le terrain, il est... T'as pas besoin que je fasse un dessin. Tu es là et regarde. À droite, à gauche, à Bruxelles, à Paris, partout. فانظر قول عمر بن الخطاب ما كان راضيا بهذا الوضع يقول إن كنت أكتمها الناس حتى جئت بها إن كنت أكتمها الناس حتى جئت بها عمر بن الخطاب نمي باو سي سي سيتياسيون يجي جلا كاشي أو جون jusqu'à ce que tu les ramènes Abdallah ibn Abbas رضي الله عن صحابة رسول الله. يقول الشيخ حفظه الله قلت ما أشبه الليلة بالبارحة إن الاختلاف الذي خافه عبد الله بن عباس ووافقه عليه عمر رضي الله عنهم جميعا على أمة محمد قد وقع ثم وقع ثم وقع ثم وقع ولا زال يقع وما تفرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيعا وأحزابا كمن سبقهم إلا بسبب الاختلاف وكان أول خلاف وقع في هذه الأمة هو خلاف الخوارج ثم خلاف الروافض بقيادة زعيمهم عبد الله ابن السوداء اليهودي الذي زعم لهم أن عليا لم يمت وأنه في السحاب ثم خلاف القذرية ثم المعتزلة ثم المرجئة ثم الجهمية وهلم جرة ولا تظن أن هذه الأحزاب غير موجودة موجودة معك الآن فقط تبدلت أسماؤها ولكن مبادئها وأفكارها حية ترزق معنا الآن. الشيخ de nous dire combien la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui. la division dont avaient peur et les divergences dont avaient peur Abdullah ibn Abbas et Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhuma pour la communauté de Mohammed alayhi sallam, il est arrivé, il continue à arriver encore. Et la communauté de Mohammed alayhi sallam nous s'est divisé en partie en groupe comme les peuples qui l'ont devancé, tout simplement à cause de la divergence. Et la première divergence qui est arrivée dans cette communauté, c'est la divergence d'Al-Khawarij. Et après la divergence d'Al-Rafida. Avec le seul commandement de leur leader, Abdullah ibn Saba, le juif, le fils de la noire, le yéménite, qui a prétendu que Ali, radiyallahu anhu arda, n'est pas mort, et qu'il s'est métamorphosé en nuage. Ali, c'est le nuage maintenant. Et après est arrivé la divergence d'Al-Qadariya, ceux qui disent qu'il n'y a pas de destin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît rien. Il sait les choses une fois que les gens le font. Et après, le Murji'a, ceux qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. La foi, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le cœur. Prier ou pas prier, etc., ce n'est pas un problème. Ça ne dérange en rien. Ça ne diminue ni fait augmenter ta foi. Et hada, c'est mon écran dans la société. Va dans, sur les escaliers des immeubles là-bas. Il dit, mon cœur, il est bien. Moi, je crois en Allah. Là, mon cœur, il est bien. Bien prié, il n'y a pas de problème. La foi, il est dans le cœur. La prière, j'ai mis, Et ainsi de suite. Ils ne croient pas que sinon le Jamia, le Mu'tazila, etc. n'existe pas. Le Mu'tazila. Ils mettent une de leurs caractéristiques, c'est de mettre la raison avant le texte. Al-Ikhwan al-Muflisun. La raison avant le texte et leur leader. Une des caractéristiques du Mu'tazila, c'est pour eux, le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, c'est de se révolter contre le gouverneur. À quoi il appelle Ikhwan et les autres? Les noms qui changent, les idées sont là, les principes fondamentaux sont là, les bases et les fondements sont là. Et ainsi de suite, une tative. Ceux qui dépouillent l'essence des attributs d'Allah, Azzawajal, il y en a beaucoup. Ceux qui ne reconnaissent que certains, sept attributs d'Allah, Azzawajal, Al-Ash'ira. Ceux qui ont rajouté une de plus, Al-Maturidiyya, la Zi complète. Ils ne reconnaissent que 8 attributs à Allah, Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Là, tout existe. Il ne faut pas croire que, c'est comme disent, qui veulent nous détourner de la vérité. Parce que si on ne comprend pas ces fondements, et on n'étudie pas ces fondements, on est des proies faciles aux sectaires et au sectarisme. C'est pour ça qu'il leur plaît chaque fois qu'ils ont une réunion, comme ils ont fait l'année dernière au Bourget. C'est secondaire le fait d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi c'est secondaire? Le fait d'étudier les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, ça me permet de connaître au mieux Allah Azza wa Jal et de l'adorer mieux. Et en plus, ça me permet de connaître ceux qui ont dévié dans ça. Et de reconnaître Hada qui a dit ça. Celui qui a dit ça, je vais le reconnaître à ce moment-là, je vais le dévoiler. Il va être clair devant moi. Donc il m'empêche de cet apprentissage pour que je me fasse avoir par ses idées. C'est ce qu'il veut. Ainsi, akhal islam. Donc, tu ne fais pas avoir. Les noms ont changé, mais les fondements sont là. Wa shahidu min hadha al-athar anna al-muhaqqa mujibatun lil-ikhtilaf wa ma'na al-muhaqqa anna kull wahid min al-mutakhasimin yaqulu al-haqq ma'i wa hiya ma'na qawluhu yahtaqqu ومتى يحتقوا يختلفوا ومتى اختلفوا اقتتلوا إما بالألسن والأقلام وإما بالأيدي والسيوف وما كتابتك هذه إلا من حصاد الاختلاف وشؤم الحزبية التي نهى الشرع عنها وما زال المحققون من أهل العلم ينهون عنها في كل زمان ومكان ينهون عنها لما يعلمون فيها من نتائج سيئة. هنا تحول الشيخ خطاب الشيخ قال وما كتابتك هذه إلا من حصاد تحول إلى أسلوب المخاطبة، إنه يخاطب شخصا معينا ويشير حفظه الله تعالى في الأسفل ويقول: وما كتابتك هذه إلا حصاد الاختلاف وشؤم حزبية. يشير إلى تلميذ من تلاميذه، إلى تلميذ من تلاميذه وطالب من طلابه انتظم في بعض المناهج المستوردة للدعوة. ومن أجل أننا كنا ننصحه أنا وبعض الإخوة، من المتكلم؟ الشيخ النجمي حفظه الله تعالى، هو ومن كان معه، فقد كتب إلينا كتابة اتهمنا فيها بما ليس فينا، ونال من أعراضنا بما سنحاكمه بين يدي الله عز وجل فيه. وأنا حينما، يقول الشيخ حفظه الله، هذا تواضع من الشيخ، وأنا حينما أقول تلميذ من تلامذي وطالب من طلابي لم أقصد بذلك افتخارا كما علم الله، وإنما أردت أن أبين أن الحزبية شر وتفريق وشتات، وأنها إذا فرقت بين التلميذ وشيخه وجعلت التلميذ يكن العداوة الشديدة لشيخه الذي له عليه الفضل، فضل التربية، فإنها ستفرق بين غيرهما من باب أولى. وصدق حفظه الله تعالى ورعاه ومتع به وأطال عمره في طاعة الله، حتى أن الحزبية تفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه. Donc il est témoignage dans cet attard que nous avons, dans ce dalil qu'a cité Cheikh, qu'a apporté de l'imam Abdullah ibn Ahmed rahimahullah ta'ala. C'est, il tourne autour de ce mot, le muhaqqa. Le muhaqqa, c'est le fait d'avoir la vérité avec soi. Et quand tu dis que la vérité est avec toi, quand tu es en face de quelqu'un, ça va amener quoi? Le litige. Lui, il dit la vérité est avec moi. Toi, tu dis la vérité est avec moi. Ça, c'est le muhaqqa. Et quand on arrive à ce stade-là, bah, il y a divergence. Et quand on arrive à cette divergence, il y a combat, il y a tuerie, massacre après. Soit avec les plumes, soit avec la langue, soit on arrive carrément aux armes. Les Khawarij sont arrivés aux armes. Parce qu'ils croyaient, ils se disaient que la vérité est avec eux. Ils ont pris les armes contre Ali et les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le style d'El Cheikh, il va changer. Et il va parler à quelqu'un. Et à dire, et ton écriture, ce n'est que le résultat et la récolte de cette divergence et des inconvénients du sectarisme et du mal du sectarisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, que le messager alayhi salatu wassalam a interdit. Et restera toujours les hommes de science, les authentificateurs, à interdire le sectarisme en tout lieu et en tout temps. Parce qu'ils connaissent le mal et les inconvénients du sectarisme. Et c'est cher quand il a changé son style et dit, ton écriture, comme il le dit en bas, il s'adresse à son élève, à l'un de ses élèves. Il lui dit, et ton écriture n'est que la récolte de la divergence et du mal et des inconvénients du sectarisme. Et il dit ça en s'adressant à l'un de ses élèves. Il dit, Hada, ces paroles, je les adresse à l'un de mes élèves. Qui sait, qui a adhéré à l'un des groupes qui est étranger à l'Arabie Saoudite, qui sont les Ikhwa al-Muslimoun. Et comme Cheikh, il dit, comme nous le conseillons, ainsi que certains de nos frères le conseillent pour qu'il revienne, et ceux qui se sont, qui ont adhéré avec lui à ce parti, il y a, il a écrit pour nous, il a envoyé une lettre, il accuse son Cheikh et ceux qui sont avec Cheikh. Il s'est retourné contre son maître. Et contre son prof. Et il les a accusés de choses de quelles ils sont innocents. Et Cheikh, il dit, et ces choses, nous allons être, lui demander des comptes devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Ces accusations qu'il a émises contre nous, demain devant Allah, nous lui demanderons des comptes. Et il dit, ça c'est la modestie d'Yel Mashaykh, Havidallahu Ta'ala, il dit, et quand je dis mon élève, ou là mon étudiant, je ne veux pas, c'est pas l'orgueil, c'est pas la fierté qui me pousse à le dire. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Mais il dit, je veux montrer que le sectarisme est un mal et que le sectarisme divise. Et il arrive à diviser entre l'élève et son maître, entre le prof et son étudiant. Hein? Et il fait, le sectarisme fait que la haine s'instaure entre l'élève et son maître. Alors que son maître, il a un bienfait sur cette personne. Il lui a enseigné, il l'a éduqué, etc. Et il se retourne comme ennemi de son maître. Et c'est ça, le sectarisme le fait entre le maître et son élève. Alors entre les autres, c'est la même chose, c'est encore pire. Et combien, dans combien de familles où nous avons vu le sectarisme créer la haine entre le fils et son père, contre la sœur et son frère. Même des fois, entre le mari et sa femme. Hein? Et ça, c'est une réalité. Hein? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ici Cheikh de nous citer une parole du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh qui est dans le fatawa, dans le jumu'ah al-fatawa. Il dit il n'appartient pas aux inciditeurs et à ceux qui enseignent et aux professeurs et à, de constituer les gens en groupe et qu'il les il leur inculque des choses qui vont créer la haine entre eux. Mais ils doivent leur enseigner des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont céder dans la dévotion et dans la piété. Comme conformément à la parole de l'Azawajal qui dit « Entraidez-vous dans la dévotion et dans la piété. Et ne vous entraidez pas dans le mal et dans l'injustice et dans le péché. » Et il dit, « Hafidha Rahimahullah Ta'ala, la parole est à Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah Rahmatullah, il n'appartient pas à quelqu'un de prendre un pacte sur quelqu'un. Il prend un pacte sur quelqu'un pour que cette personne soit d'accord avec lui sur tout. Et que cette personne s'allie avec les gens, avec celui-là, il fait alliance. Et que cette jeune dise à vous les gens avec lesquels celui-là, que celui-là il dise à vous. Il n'appartient à personne d'agir ainsi avec les gens. Et celui qui agit ainsi, il fait partie de la famille de Genghis Khan. Et ceux qui ont pris la même voie que Genghis Khan, qui ont fait que ceux qui sont en accord avec eux, ce sont leurs alliés. Ceux qui sont en divergence avec eux, ce sont leurs ennemis. Mais il leur appartient à eux, c'est-à-dire à ceux qui enseignent, il y a leurs disciples, à se cramponner o pacto de Allah é o pacto do seu mensagem alaihissalam, que eles obedeçam a Allah e a seu mensagem alaihissalam, e que eles metam na aplicação o que Allah subhanahu wa ta'ala ordone, o que o Rasul sallallahu alaihi wasallam ordone, e que eles se interdizem o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe interdit, e o que o Rasul sallallahu alaihi wasallam lhe interdit, et de respecter le droit de l'instituteur et du prof, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Et si son prof, on a commis une injustice sur son prof, il doit le faire triompher. Et si le prof, c'est lui qui a commis l'injustice, il doit lui interdire cette injustice. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, il dit, fais triompher ton frère, qu'il soit injuste, ou là qu'on ait commis une injustice sur lui. Ils lui ont dit à Rasulallah, comment je peux faire confier mon frère alors qu'il a commis une injustice? Il a dit, tu vas le faire triompher en attirant son attention, de dire que ce que tu lui ordonnes le fait de ne pas agir ainsi. Hein, tu lui interdis d'agir. Avec, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Adkhol marhababé. Il lui interdit. Tu interdis à ton frère d'être injuste. Hein? Et tu lui conseilles la justice. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. ويقول حفظه الله تعالى وإذا جئنا نامس أجينا أحسن لك وعليكم السلام ورحمة الله بخير نامس أخ لبس نعيش شباب وهذه هي الحزبية أخر الإسلام والمتحزبون من جنكيز خان كما قال الشيخ حفظه الله تعالى يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا باغيا إذا كنت معهم في حزبهم فأنت الصديق وإن خالفتهم عادوك وحاربوك وشوهوا صورتك سا كم الذي الشيخ حفظه الله تعالى Ça, c'est le sectarisme. Et le sectarisme fait partie des mêmes actes qu'avait Genghis Khan. Genghis Khan, c'est le leader des Tatars quand ils ont envahi le monde musulman. Et ceux qui sont d'accord avec les principes de Genghis Khan, ce sont ses alliés. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ce sont ses ennemis. Ainsi, le Hizbi, le sectarisme, ainsi il veut de nous. Ceux qui sont d'accord avec nous, on est d'accord avec eux, ce sont nos alliés. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec notre Hizbi, notre parti, bah, ce sont les ennemis. Hakada. Hein? Si tu es avec eux, tu es dans le parti, bah, c'est bon, tu es l'ami, tu es l'allié. Et si tu ne l'es pas, bah, tu es l'ennemi, ils te combattent. Là, je vais vous donner un exemple. Il y a plus de 10 ans maintenant en arrière, j'avais remplacé un imam au nord de la France. La mosquée, c'est une mosquée de commun. Mais la tendance qui prime dans ce nord de la France, c'est la tendance d'El Tablir. Les gens sont partis en vacances, moi je suis resté dans la mosquée. Bon après, l'imam allait arriver. Il y a une des têtes d'El Tablir, il est venu me voir. Après Salat al-Fajr, je sortais pour prendre un peu l'air. Il me dit, Hassan, chauffe, si tu veux rester là, il n'y a pas de problème. Tu restes. Il dit, mais l'imam il va arriver. Il m'a dit, t'inquiète pas. Hein? L'imam, un petit coup de... T'as vu comment le jeu, comment, hein, le travail d'El Tablir, comment il est fait, etc. Il n'y a pas de problème. Un petit coup de banane. Et l'imam est parti. Et à cette époque-là, j'étais dans le Tablir. Et pourquoi il me proposait ça? Parce que justement, j'étais un Tablir. Hein? Et, hakala, tu es avec eux, on te fait ce que tu veux, le tapis rouge. Ils ont cherché gars à te marier. Tu proposes dans cette famille, dans celle-là, l'air. Hein? Un autre. Il venait pour chercher un imam pour la mosquée. J'étais là. J'étais dans le centre. Mon beau-père était l'imam du centre du nord, d'El Tablir. Et un homme, il vient, parmi les têtes, vieux, 25 ans, 30 ans, d'El Tablir. Il vient et dit à mon beau-père, on cherche un imam, qui est Stausti, qui est 66. Va comprendre dans ta 66. Donc on cherche un imam qui correspond à nos principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'il a 60 chapitres du Coran mémorisés, plus les 6 caractéristiques du Jama'a. On s'en fout de son fiqh. On s'en fout de sa sunna. Mais on veut le Coran et on veut stasifat, c'est tout. Hein? Le choix de l'imam, c'est comme ça qu'on choisit. L'alliance, pourquoi il est faite? Pour les principes. Et là, j'étais là. Quelqu'un vient pas me démentir. Je prends la personne devant moi et je prends mon beau-père aussi devant. Et qu'on vient pas dire, non. Enfin, la parole qui vient de passer avec nous, dit Ibn Taymiyyah, c'est comme si Ibn Taymiyyah vient avec nous. Cette parole qu'il a citée, ce passage que le Cheikh a cité d'Ibn Taymiyyah, c'est comme si Ibn Taymiyyah vient avec nous. Il voit les problèmes dans lesquels nous sommes, il les groupe qui est sûr devant nous. وَإِذَا وَقَعَ مُعَلِّمٌ ومعلمون أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة بين معلم ومعلم أو بين تلميذ وتلميذ أو بين معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق عان المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Quand il y a un problème maintenant entre l'instituteur et l'élève, entre un instituteur et un autre instituteur, entre un élève et un autre élève, ou là entre un instituteur et un élève, il n'est pas permis que nous prenions parti de quelqu'un avant d'avoir connu la vérité. On ne prend pas position, ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut connaître la vérité pour prendre parti avec la vérité et non pas contre la vérité. On ne doit pas aider quelqu'un alors qu'on ignore la situation, qu'on ignore la vérité. On ne doit pas aider quelqu'un par les passions comme ça, et par sentiments. Là, on l'aide une fois qu'on sait la vérité. Et dans ces cas-là, on se met des côtés de la vérité. Que ce soit notre ami ou là, le contraire. Si la vérité est avec celui-là, qui égare notre ennemi, ben on est avec la vérité. Hein? On ne va pas se pencher de l'autre côté et alors qu'il est dans le faux. On ne va pas se pencher avec notre frère alors qu'il est dans le faux. On se penche vers la vérité à l'islam. Que ce soit ton copain ou là ton allié, que ce soit pas. Tu dois te pencher vers la vérité. Tu ne dois pas suivre tes passions. Même si c'est pour tes parents. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a ordonné. Parce que notre but c'est adorer Allah azza wa jal. Et obéir à Muhammad alayhi salatu wassalam. Et de suivre la vérité. Et d'accomplir la justice dans nos actes. Il est dit dans ce verset, dans Surat Al-Ma'ida, où vous qui avez cru, soyez justes. Accomplissez la justice. Et soyez témoins d'Allah Azza wa Jal sur vous-même. Et sur vos parents, et sur vos proches. S'ils sont pauvres, ou là, s'ils sont riches, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui leur allié. Et ne suivez pas les passions. Mais soyez justes. Et n'imitez pas des mensonges. Et ne vous détournez pas de la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites. Nous devons n'importe comment. Je suis dans le tort, je dois reconnaître que je suis dans le tort. mon père est dans le tort, je dois reconnaître que mon père est dans le tort. Ma femme est dans le tort, je dois reconnaître que ma femme est dans le tort. Mon frère est dans le tort, je dois reconnaître que mon frère est dans le tort. C'est une religion. Hein? On veut se rapprocher d'Allah. Azzawajal, ben on se rapproche comme il se doit. Hein? On ne se rapproche pas avec le faux vers Allah. Azzawajal. Parce que ça, ça nous les éloigne des ordres d'Allah et des suivis de son messager. Alayhi salatu wassalam. Yuqalu لوى لسانه إذا أخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه هذا كلام عظيم هذا كلام لو جاز كتب بماء الدهب يجب علينا أن نعظم الله وأن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن نتبع الهوى لا أن نتبع الهوى هذا لا يجوز لنا dit pour ce qui concerne le terme lawa dans le verset ça veut dire annoncer un mensonge intalwu c'est-à-dire y mettre un mensonge. Il est arad, c'est le fait de se détourner de la vérité. Et celui qui cache la vérité, qui se tait, qui ne dit pas la vérité, c'est un shaitan muet. Et celui qui se penche vers son copain et son compagnon, que la vérité soit avec lui ou qu'il est dans le faux, hada, c'est un jugement d'Al Jahiliya. Hada, il n'a pas pris les sentences d'Allah, il n'a pas accompli la sentence d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Car ce qui est obligatoire à tout un chacun parmi nous, et à tout le monde, c'est qu'on soit une seule main dans la vérité et pour la vérité. Une seule main. Dans la vérité et pour la vérité. Et ce qui doit être mis en avant pour nous, et au-dessus de tout, Allah azza wa jal et son messager, alayhi salatu wassalam. Et ce que nous devons mettre en avant, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant. Et ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en avant. Et nous devons agir avec des actes qui vont ramener l'agrément d'Allah azza wa jal. Non, qui vont ramener l'agrément de mon moi ou de mes passions. Là, nous devons agir de la sorte d'attirer l'agrément d'Allah. Non pas d'attirer... d'être dans les situations qui me plaisent ou qui correspondent à mes passions. Est-ce que j'ai envie ou là, est-ce que mon copain a envie? Là, loin de là. Et ce qui est avili, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a avili. Ce qui est rabaissé, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont rabaissé. Et notre agissement, nos actes doivent correspondre, hein, doivent être des actes qui sont agréés min Allah. Et agréé de son messager, alayhi salatu wassalam. Et non pas selon nos passions. Car celui qui obéit à Allah et à son messager, celui-là, il a sa tête sur les épaules, il a été bien orienté, il a agi comme il se doit. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il ne fait du mal qu'à lui-même. Il n'a qu'à se prendre qu'à lui-même. Car le jour de la résurrection, hein, il n'a qu'à se mordre les doigts. Il va se retrouver devant sa désobéissance à Allah. Et devant sa désobéissance au messager alayhi salatu wassalam. Et là, trop tard, après l'islam. Mais celui qui va se retrouver devant Allah, avec l'obéissance à Allah, et l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam, hein, gars, tu peux même pas t'imaginer ce qu'il attend comme agrément c'est Allah, azza wa jal. Et ça, ce sont des paroles nobles de la part du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Que s'il était permis, on les écrirait avec de l'encre en or. وهذا كلام عظيم من الشيخ حفظه الله تعالى. ولاية الشباب يمتثلون هذا الشيء، هذه قاعدة شرعية. تأمل كلام الشيخ النجمي حفظه الله تعالى: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية. فالذي يميل مع أخيه أو صاحبه أو جماعته أو حزبه حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله عز وجل ورسوله. ثم قال حفظه الله تعالى: والواجب على الجميع أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل. Donc, ça, ce passage est très important dans le livre d'El Cheikh Nijmi Hafidhahullah Ta'ala. Il appartient aux jeunes de digérer ce passage et de le comprendre, car c'est une règle dans la législation. Médite bien les paroles d'El Cheikh Nijmi Hafidhahullah Ta'ala. Celui qui se penche avec son compagnon et avec son ami, que ce soit la vérité avec lui ou là qu'il est dans le faux, il a jugé avec les jugements d'El Jahiliya. Celui qui se penche avec son compagnon, ou avec son ami, ou avec son groupe, ou avec son parti, il a jugé avec des jugements d'El Jahiliya. Et il n'a pas mis en application les jugements d'Allah Azza wa Jalla et de son messager, alayhi salatu wassalam. Et il a dit après, il appartient à tout le monde d'être avec la vérité et d'être contre le faux. D'être avec celui qui est dans la vérité et d'être contre celui qui est dans le faux. Hada, c'est notre devoir. Hada, ce qui nous incombe, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous impose. Hada, nous ne devons pas les oublier. Comme on a dit hier, nos sentiments, il faut les écraser. Il faut les conditionner avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, ce n'est plus des sentiments, c'est des tempêtes. Ils nous emmènent vers nos passions. يجب أن يكون الحب والتقدير والتقديم بحسب مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بحسب الهوى. أحب من أهوى وأبغض من أهوى، أقدم من أهوى وأؤخر من لا أهوى. المسألة ليست تبعا للأهواء، ولكن المسألة بحسب مرضات الله عز وجل ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر الآن من حولك من تبليغ وياسينيات و من يقدمون، من معه، ومن هو على شكلته، ومن هو على مبادئه. ولكن كلما كان الشخص أرضى لله وأقرب لطاعته يجب أن نحبه، وإذا كان بعيدا بغضنا يكون بحسب بعده عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان الشرعي وهذه القاعدة الشرعية. Donc, notre amour et notre estime, le fait de mettre quelqu'un en avant ou de l'acculer en arrière, doit être par rapport à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et à l'agrément du prophète alayhi salatu wassalam. Et non pas par rapport à nos passions, à ce que nous aimons. Mes passions me dictent d'aimer quelqu'un, je l'aime. Mes passions me dictent de détester quelqu'un, je déteste. Là, ya akhal islam. Ce n'est pas comme ça. Mes passions me dictent de mettre en avant quelqu'un, je le mets en aquelin. Il me dit, mets celui-là en arrière, racule-le, mets-le de l'autre côté, mets-le sur la marge, et je le mets. Là, ya akhal islam, c'est pas comme ça. La situation, ce n'est pas les passions qui doivent la gérer. La situation doit être gérée par l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Nous devons agir de sorte d'avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et d'être agréé à Allah Azza wa Jal et que Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous. Et non pas que nos passions soient satisfaites. Nous ne devons pas agir pour satisfaire nos passions, ni les passions de nos frères. Loin de là. Nous devons agir de la sorte à être agréé min Allah et à faire des choses qui sont agréées min Allah et agréées donc par notre prophète alayhi salatu wassalam. Nous regarde. La jeunesse d'Yel Ikhwan, ou la jeunesse d'Yel Tbliq, d'Yel Yassinit. Avec quoi ils agissent? Homme de science, de montagne de science. Il va prendre le théoricien du groupe et le penseur de son groupe. Et il le met devant Cheikh Ibn Baz ou devant Cheikh Al-Albani, etc. Il va se retrouver avec un frère qui est dans le même parti, Yassinit ou Ikhwan, et avec lui qui est pervers, qui est rasé, qui est Ada. Il le met en avant et il va dénigrer un jeune qui est sur la sunna, etc., qui suit le prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est ses passions, son penchant. Sur quoi le groupe l'a éduqué. Alors que c'est le contraire. Je rapproche Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont, je me rapproche et je rapproche vers moi et je me rapproche de ceux qui obéissent à Allah et qui obéissent à son messager alayhi salatu wasalam, qui aiment Allah, qui aiment son messager alayhi salatu wasalam et qui, mettent en application les ordres d'Allah azza wa jal et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam selon la voie de leur plusieurs d'Allah alayhi. Car plus la personne, est soumise à Allah azza wa jal, plus la personne cherche l'agrément d'Allah azza wa jal, plus la personne est obéissante à Allah et son, je dois l'aimer. Par rapport à ça, je dois m'éloigner d'une personne qui est loin de la désobéissance à Allah azza wa jal. Je dois désavouer cette personne, je dois m'en éloigner pour me préserver, préserver ma religion. Donc, je me rapproche de ceux qui se rapprochent d'Allah, qui cherchent l'agrément d'Allah, azza wa jal, et je mets en avant ceux-là. Et j'agis par des règles de la législation, et non pas par mes passions, mais parce que moi je désire, ou là moi je veux. Amma al-yawm, ma hiya illa hizbiyat, wa tahazzub, wa ya'ti al-shab, aliman kabiran. في السنة فيبغضونه ويحاربونه وينفرون عنه لأنه ليس معهم ولا يؤيد أخطاءهم ولا يسكت عنها ينصح للأمة ويبين لها ويأتون إلى مبتدع مخرف منحرف وصاعب فكر خطير ويجعلونه إمام هدى وهذا والله من المضحك المبكي أن يقال عن رجل منحرف لا علم شرعي عنده ولا سنة صحيحة ولا عقيدة صحيحة ولا منهج مستقيم حليق يلبس الكرافتة حتى هيئته لا تشبه هيئة العلماء فضلا عن الانحراف الفكري الخطير الذي عنده وكم أضر هذا بالشباب وكم نشر من أفكار خطيرة ومع ذلك يأتي أهل حزبه وأهل فكره ويقولون عنه إمام هدى سبحان الله هل هذا حكم شرعي أم حكم جاهلي يا من تنادون بتحكيم الشريعة هل حكمتم هنا بشرع الله عز وجل عندما قلتم عن رجل لا يدري في الشرع شيئا أنه إمام هدى هل هذا حكم شرعي بالله عليكم أجيبوا alors qu'aujourd'hui ce n'est que sectarisme. On se sectarise pour des idées. L'homme de science, de montagne de science arrive dans une assemblée et les jeunes sont détournés de cet homme de science. Détestent cet homme de science, combattent cet homme de science et empêchent les jeunes. Ils disent aux jeunes, n'allez pas à cet homme-là. Pourquoi? Parce que il n'approuve pas la voie dans laquelle ils sont. Parce qu'il avertit contre eux. Parce qu'il avertit contre l'erreur, les erreurs qu'il y a dans leur parti et dans les principes fondamentaux de leur parti. Parce qu'il conseille la communauté et il éclaire la communauté. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et il éclaire la communauté. Et dans le sens contraire, ils vont chez un innovateur, un égaré, un homme dont les pensées sont très dangereuses pour la communauté. Et ils font de lui un imam de la guider. Un imam de la guider. Et ça, par Allah, c'est une chose qui fait, parmi les choses qui font rigoler, qui font pleurer à la fois. Qu'on dise d'un homme rasé, qui s'habille avec une cravate, qui n'a même pas l'aspect des hommes de science, que c'est un imam de la guider. Alors que ces livres, dedans il y a le fait de rendre mécréant toutes les sociétés musulmanes. On dit de lui, c'est un homme de la guider, comme il a dit Salman, de Sayyid Qutb. Et combien les livres de cet homme, combien de dangers ils ont propagé dans la communauté de l'islam. Et malgré tout ça, les adeptes de son parti, et les gens de sa pensée qui suivent sa pensée, disent que c'est un imam de la guider. N'est-ce pas une trahison de la communauté? N'est-ce pas une trahison de la jeunesse? N'est-ce pas jouer avec l'esprit de la jeunesse musulmane? Est-ce que ça, c'est un jugement avec les lois d'Allah Azza wa Jal? Vous qui demandez de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal, est-ce que ici, en disant de Sayyid Qutb que c'est un imam de la guidée, vous avez jugé avec les lois d'Allah Azza wa Jal? Répondez. À vos devoirs maintenant. Ya akhi, la tahkum alayhi bi hukmillah. Ila mata? لما يا أخي لا تحكم عليه بحكم الله إلى متى وأنتم تغشون الشباب اتقوا الله ودعوا الغش والزور والكذب إلى متى وأنتم تضحكون على عقول الشباب وفي المقابل يأتون إلى من يحمل لواء السنة والمدافع عن السنة ورباني هذه الأمة ويقولون هؤلاء لا تأخذون عنهم لما؟ لأنهم لا يفقهون الواقع. لما؟ لأنهم بغالوا السلاطين. أعوذ بالله. أنتم بغالوا أقل من السلاطين. ها؟ ولكن لا تشعرون. فهنا الله عز وجل. Pourquoi vous ne jugez pas avec la loi d'Allah عز وجل؟ Pourquoi vous n'utilisez pas les sentences d'Allah عز وجل sur Sayyid Qutb et autres, et les gens qui sont comme lui? Jusqu'à quand vous allez trahir la communauté? Jusqu'à quand vous allez jouer avec l'esprit de la jeunesse musulmane? Craignez Allah Azza wa Jal. Laissez la trahison et la falsification de côté. Jusqu'à quand vous allez rigoler de cette communauté et de la jeunesse de cette communauté? Et en contrepartie, ils arrivent à un homme de la sunna, à celui qui porte l'étendard de la sunna et qui défend la sunna et qui éduque cette communauté par le biaba de la science pour la ramener vers sa gloire. Et ils disent de lui, et ils disent ne prenez pas de cet homme de science. Pas pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la réalité dans laquelle vous êtes. Parce que c'est les hommes de science, ils les traitent, ils disent ce sont les mules. Les palais. A'oudou billah. Moi, ils ne savent pas. Vous, vous êtes les mules de rien du tout. Et vous ne le savez pas, vous ne le sentez même pas. En réalité, c'est vous les mules. Ce n'est pas eux. A'ulama'u sunnati la yafqahuna al-waqi'. Ya man waqa'tum fil waqi' ala ru'usikum. Wa la indakum dirayatun bil waqi'. Wa la yakuluna anil ulama' annahum la yafqahuna al-waqi'. Wa la indahum dirayatun bima yajri fid dunya. انظر كيف يزهدون في العلماء وكيف يبجلون ويعظمون أولئك المنحرفون إذن هؤلاء لا يحكمون بحكم الله عز وجل أبدا إذن هؤلاء يحكمون بحكم الجاهلية فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الذي مر معنا كلام عجيب ونصيحة عجيبة ولا ويا ليت الشباب يتأدبون بها ويأخذونها ويجعلونها نصب عيونهم. Ils disent que les hommes de science ne connaissent pas la réalité et l'actualité de la communauté. Et ils disent qu'ils ne connaissent rien de la vie des gens. Regarde comment ils détournent. Regarde ces ruses d'Al Shaitan qu'ils utilisent pour détourner la jeunesse des hommes de science. Et comment ils grandissent dans l'esprit des jeunes, les égarés, et les penseurs et les théoriciens de groupe. Donc ces gens-là, ils ne jugent pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ils utilisent d'autres lois. Et les paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, ce sont des paroles qui sont très importantes. Nous devons les avoir en face de nous, les digérer et les comprendre par le paragraphe qui est passé. Allah subhanahu wa ta'ala injalna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا.